La nature. Extrait du recueil intitulé Les Contemplations. La terre est de granit. Les ruisseaux sont de marbre. C'est l'hiver. Nous avons bien froid. Veux-tu, bon arbre, être dans mon foyer, la bûche de Noël? Bois, je viens de la terre, et feu, je monte au ciel. Frappe, bon bûcheron. Père, aïeul, homme, femme, chauffez au feu vos mains, chauffez à Dieu votre âme, aimez. Vivez. Veux-tu, bon arbre, être timon de charrue? Oui, je veux creuser le noir limon et tirer l'épi d'or de la terre profonde. Quand le soc a passé, la plaine devient blonde, la paix aux doux yeux sort du sillon entr'ouvert, et l'aube en pleurs sourit. Veux-tu, bel arbre vert, arbre du hallier sombre où le chevreuil s'échappe, de la maison de l'homme être le pilier? Frappe, je puis porter les toits et emporter les nids. Ta demeure est sacrée, homme, et je la bénis. Là, dans l'ombre et l'amour, pensif, tu te recueilles, et le bruit des enfants ressemble au bruit des feuilles. Veux-tu, dis-moi, bon arbre, être mât de vaisseau? Frappe, bon charpentier, je veux bien être oiseau. Le navire est pour moi, dans l'immense mystère, ce qu'est pour vous la tombe. Il m'arrache à la terre, et, frissonnant, m'emporte à travers l'infini. J'irai voir ces grands cieux d'où l'hiver est banni, et dont plus d'un essaim me parle à son passage. Pas plus que le tombeau n'épouvante le sage, le profond océan, d'obscurité vêtu, ne m'épouvante point. Oui, frappe. Arbre, veux-tu être gibé? Silence, homme. Va-t'en, cognier. J'appartiens à la vie indignée. Va-t'en, bourreau, va-t'en, juge. Fuyez, démon. Je suis l'arbre des bois, je suis l'arbre des monts. Je porte les fruits mûrs, j'abrite les pervenches. Laissez-moi ma racine et laissez-moi mes branches. Arrière. Homme, tué, ouvrier du trépas, soyez sanglant, mauvais, dur. Mais ne venez pas, ne venez pas, traînant des cordes et des chaînes, vous chercher un complice au milieu des grands chênes. Ne faites pas servir à vos crimes, vivant, l'arbre mystérieux à qui parlent les vents. Vos lois portent la nuit sur leurs ailes funèbres. Je suis fils du soleil. Soyez fils des ténèbres. Allez-vous-en. Laissez l'arbre dans ses déserts. À vos plaisirs, aux jeux, aux festins, aux concerts, accouplez l'échafaud et le supplice. Faites. Soit. Vivez et tuez. Tuez, entre deux fêtes. Le malheureux, chargé de fautes et de maux. Moi, je ne mêle pas de spectre à mes rameaux.